Ma petit langue quoi moto? Et quoi moto? Et quoi bébé? La méfiance. Et nous j'ai. La méfiance. Et nous j'ai. Mokilo anani. Mokilo anani. Yakaisala. Bayanke balinginde. Mazopo. Moi makasi elanga. Mazopo. Mulebeta pesanga. Mazopo. Alatana bima yelanga. Mazopo. Château de Kokuta. Mobondo. Ouza sarcelle Kokuta. Mobondo. Place du chio Kokuta. Mobondo. Mbokanini ezangande. Itile sukana, Naduka tumba sukana, Colette Nzongo sukana, évitons le problème. Trop trop couillant, la vie n'a pas de brillant, l'ambiotisé, pour qu'il y ait deux années à Kaïsal, pour ça la banque mauvais pété. Nous Jack, méfie-toi, jalousie fanatique, n'est-ce pas, jalousie pour qu'ils y va prise à ma paix. Trop bon, trop couillant, tu n'as pas de brillant l'ambiance, pour qu'il y ait aux années à Kaïsal, pour ça la banque mauvais pété. Nous Jack, méfie-toi, la police est complice, mais ton service de son vice. Un tournevis, ou vice, c'est votre vice. Soit que la fnaf, la fait bouffer pour boulou. Gami, gami, gami, gami, gami, gami, gami, la police est complice, mais ton service de son vice. Un tournevis, ou vice, c'est votre vice. Soit que la fnaf, la fait bouffer pour boulou. Gami, gami, gami, gami, gami, gami, gami, gami, yeah, gami, yeah. Gami, gami, gami, gami, gami, gami, yo. A foula, gégé, a foula, gégé. Foula, foula, foula, foula, foula, gégé, trop. Je m'appelle Jack, vous savez bien qui est moi, Jack Jack. Et moi Nadou, je m'appelle Jack, vous savez bien qui est moi, Jack Jack. Mon père mystique, comme malin, passe à tout bas mon ingana comme vrai dingue, je m'en fous. Mon père mystique, comme malin, passe à tout bas mon ingana comme vrai dingue, je m'en fous. Il n'a pas de brillant l'ambiotisé, pour qu'il y ait aux années à Kaïsal, pour ça la banque est mauvais bébé. Nous Jack, méfie-toi, jalousie fanatique, n'est-ce pas, jalousie pour qu'il s'y va pris à ma paix. Trop bon, trop couillant, il n'a pas de brillant l'ambiotisé, pour qu'il y ait aux années à Kaïsal, pour ça la banque est mauvais bébé. Nous Jack, méfie-toi. La police est complice, mais ton service est son fils. Un tournevis, soufflez, c'est votre fils. Sauf que l'offre, l'offre, l'offre, pour faire bouboulou. Gemi, gemi, gemi, gemi, papa Wemba, il est mon bimba, foridol. La police est complice, mais ton service est son fils. Un tournevis, soufflez, c'est votre fils. Sauf que l'offre, l'offre, l'offre, pour faire bouboulou. Gemi, gemi, gemi, gemi, papa Wemba, il est mon bimba, foridol. Tout est la terre, tout le monde, tout est la terre. Tout est la terre, tout est la terre. Merci beaucoup, Jean-Marie Lukulasi.